Aïe, dis chérie, yo dis où son jeunesse. Moi, accepté comme son jeunesse. Je sais aux oiseaux capés voler. Toujours ma joigne aux branches pour me poser. Aïe, dis chérie, yo dis où son jeunesse. Moi, accepté comme son jeunesse. Je sais aux oiseaux capés voler. Toujours ma joigne aux branches pour me poser. Joigne aux branches pour